rappelle à moi. Sans oublier Kid Magic Oignon à côté. Allez, Totorino. Donne-moi de l'eau glacée, dit Claudicia, Robert Bazar. Ah ouais, Ronaldo, artiste confirmé. RNF, Ronaldo, l'homme qui a découvert la mouchi. Alex Montus. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. DJ Popo Calypso. Angel de Lausanne. Ouais, Erickson les Zoulous. Ouais, c'est moi. Serge Kayembe.